exactement. On y va, attention, il y a du petit courrier, Fildar. Donc voilà, donc GG, tu reçois énormément de courriers, mais bon, la plupart du temps, il t'est adressé, mais des fois, il nous l'est adressé, enfin, il nous adresse le courrier. Donc, on a reçu deux, trois trucs. Déjà, premièrement, vous qui souffrez, vous qui avez un problème à résoudre en extrême urgence, ou qui souhaitez connaître votre avenir proche, contactez professeur Gérard de Suresnes, avec don exceptionnel de résoudre les problèmes les plus désespérés et de foutre les plus chanceux dans la merde. Des dons naturels prodigieux. Donc, quels que soient vos problèmes, infidélité, impuissance sexuelle, pour ceux qui jouissaient pas, obésité canine, bulldog, teckel, tout ça, sodomie bon, douloureuse. Alors, je vais dire une chose que tu vois, ta merde. C'est la pas merde. C'est ta merde. Que t'as fait, tu vois, tu la lis pas à l'antenne. Non, il faut tu ne la lis pas à l'antenne parce qu'après, ça va recommencer les conneries. Or, tu ne lis pas ça à l'antenne, c'est tout point final à la ligne. Il faut dénoncer, Gérard. Non, parce que c'est de la merde. Non. Tu lis pas ça à l'antenne, c'est tout point final à la ligne. Non, mais tu dénonces, ça me fait mal. Ça me fait mal, Gérard, de lire ça. C'est une honte que Rigaud et Fildar s'associent. C'est une honte. Moi, je dirais qu'il faut pas le lire. Mais ouais, mais et si, Gérard, si, il faut en parler. Ça va continuer. Non. Mais ouais, on est obligé, Gérard. Moi, tu sais que j'ai couru après les gamins pour avoir mais ça. Mais je vais te dire une chose, tu prends la responsabilité si j'ai des affiches devant ma porte, ok? Ouais. Alors là, je vais te dire une chose, que dans ce cas-là, ça sert à rien, ok? Ouais, bon, alors t'arrêtes avec ça. La semaine prochaine. Bon. Bon, en tout cas, non, il faut que, ouais, mais à part un truc, bon, il faut que je... Là, c'est pas du courrier. Et ça, celui-là, d'accord. Non. Écoute bien. Ça, ça a l'air. Et ça, c'est un courrier que j'ai reçu et que ça me fait pas plaisir. Et là, par contre, ça n'a rien à voir avec le truc. Vas-y. Donc, en fait, ça vient de Lavalba. Je vois ça, c'est une photo, c'est la photo d'Allemagne. Ah ouais, d'accord, ok. Alors ça, je suis pas d'accord. Ça, non, c'est ça. Il y a un truc. Non plus. Hop. Attends, Gérard. Non! Ça vient du ministère de la Défense. Max, il vient de te dire non, tu n'insistes pas, c'est Max qui commande. Bon. Ok. Pour voir comment? C'est pas toi que tu vas commander. C'est du courrier qui est peut-être, qui vous est adressé, qui m'est adressé à moi, mais dans ce cas-là, tu ne lis pas l'antenne, c'est tout. Ouais, mais quand même. Non, du courrier comme ça, ça sert à rien. Bah, je te le lis quand, alors, ton courrier? Tu laisses ça, tu donnes ça à Max, il s'en occupera. Quand on aura trouvé. Qui a envoyé ça? Que qui envoyait comme quoi tu vas partir à l'armée et tout ça. Ouais, alors, dans ces cas-là, pour peut-être au lieu de... L'armée de terre que tu partirais, donc tu pars pas le 10 mai. Non, ça... C'est pour ça, ils ont... Non, mais dans ces cas-là, pour c'est la guerre, Gérard. Faudrait peut-être garder les enveloppes. 68 régiments d'Afrique. Non, ça c'est la guerre, parce qu'il dans l'un des gens, est-ce qu'il manque des gens? Non, allez, ouais. C'est le commandant de la caserne, quand même, qui... Bah ouais, non. Ça, c'est des trucs falsifiés. Tu connais, toi, d'affaires l'armée? Bien sûr. Regarde. Je ne jette pas, ça sert, hein, mais regarde, parce que ça va servir de document, mais tu me dis si c'est info ou pas. C'est info, c'est du papier falsifié. Mais t'as un billet de train en dessous. Non, c'est... attends. Pour partir. Vas-y. Bah, présente-toi avec ça, c'est des billets de l'armée de terre. Présente-toi avec ça, Si, il faut le composter dans tes fesses. Non, ouais, t'as raison, composter dans tes fesses, alors tu vas prendre ma main dans ta gueule, ça vient de là-bas, hein, dis pas ça, quand même. Donc, enfin, en tout cas, il y en a un qui est dégueulasse, et celui-là, il faut en parler, parce que c'est pas, faut pas que ça passe à côté, c'est le nouveau Momag. C'est un numéro spécial en fait, donc c'est bien sûr un magazine qui vient de la FPR. Je vais te dire tout de suite, je reviens sur le billet, c'est un faux parce qu'il y a marqué réservation à monsieur dont on taira le nom, réservation des chiottes du train. Alors je vais te dire c'est faux. Voilà, donc ça c'est plus baratin. Hein. Voilà, l'enveloppe elle est où? Elle vient d'où cette lettre? C'est Gaël qui ouvre le courrier. Bah ouais, mais alors dans ce cas-là, faut dire à Gaël qu'elle garde les enveloppes comme ça. On lui dira demain. Parce que ça sert pas de preuve. Hein, tu vas lui dire demain alors que demain t'es pas là. Mais j'ai laissé un mot. Donc en là, dans le nouveau Momag, en fait, il paraît que tu es allé sous le pont de l'Alma récemment pour rendre hommage à la princesse Diana. Donc c'est ce qui est bien déjà. Donc Gérard est allé voir le 13e pilier du pont de l'Alma. C'est pas toi, là, regarde sur la photo. Gérard s'est recueilli pendant une heure sur le pont. Regarde, quand il a voulu sortir du pont... Ça, je vais te dire en procès aussi. Une fumée marron envahissait le pont. Regarde. Attends, tu peux voir les photos? Bah oui, à la lumière. Alors... Bah attends, tu mets ça là. Non, regarde. Non, mais attends. Attends, moi, je veux voir... attends, tu permets? Je te la tiens. Non, mais attends, je peux tenir que moi-même... T'as du courage de lui tenir, hein. Regarde, t'es là. T'approches pas trop, Fildar, tu vois, des problèmes. Non, ça, c'est problèmes. Des conneries, hop. Mais pourquoi? Ah bon, c'est des conneries. Pourtant, on reconnaît bien ton visage, hein. C'est une photo qui a été prise à 300 mètres, hein, donc c'est des conneries. C'est des conneries encore. Tu vois? Parasite. Tu vois, je vais te dire tout. Ah, c'est quand même bien ta gueule, hein. C'est des conneries. Ça, c'est une photo qui a été prise à 300 mètres avec un jetable, donc Bon, c'est des conneries, tu m'as dit. Il va y avoir un doute. C'est des conneries. Non, mais moi, je pense que c'est toi, bon. Toi, je vais te dire une chose. Il a le droit d'aller se recueillir. Non, mais je vais te dire une chose que t'as bien fait, mais. Je veux dire que c'est une connerie parce qu'il y a marqué comme quoi le commissariat de Suresnes mène l'enquête et comme quoi tu devrais une somme de 680 000 francs. C'est faux. En plus, c'est pas Suresnes qui s'en occupe, c'est Paris. Donc alors. Qu'est-ce que c'est que ça? La fiche de paye, c'est une vraie, ça? Non, ça, c'est des conneries, justement. Ah, ben, tiens, ben, tu l'as? Ah, ben, ça tombe bien, parce que moi aussi, je l'ai aussi. Ah, c'est normal, hein, la compta, à chaque fin de mois, tu reçois ta paye. Non, non, mais c'est bizarre, parce que la fiche de paye que t'as, j'ai la même à la maison. T'as, ils se payent vraiment de notre gueule, hein. Ouais, non, mais... Celui qui s'amuse à faire ça, ben, il se fait... 604 euros, quand même. Non, mais il s'amuse. Pas mal. Non, mais il s'amuse. Ah, c'est des conneries, en plus, ça. Je te dis... Ah, non, non. C'est une fausse, ça. Ouais, ouais. Je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a marqué emploi animateur, ça va. Il y a marqué catégorie blaireau. Ouais, donc, tu vois. Si, c'est ça. Non. Ah bon? Bon, attends, toi, Manu, tu fermes ta gueule, d'accord? Ah, je croyais, pas moi. Ça. Tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot au standard, ok? Ah, et c'est tout. D'accord. Et la banque de la poste, banque du sperme, c'est pas bon. C'est pas vrai. Non, c'est des conneries, tout d'accord, ça, encore. Okay. T'as plus ton compte à la banque du sperme. Tu l'as résilié. Qu'est-ce que ça peut foutre à toi, t'as ton compte Il te dit qu'il va faire des gosses avec Sandy, bien sûr qu'il a un compte. Ah bah oui. C'est un faux, je le garde, tiens. T'as pas autre chose. À la SPA. Pardon. T'as même pas de compte à la SPA, parce que tu ferais mieux dire. Non, il a du compte, Gérard, il a du compte tout court. Oh, ouais. De toute manière, je t'ai prévenu dimanche, jusqu'à 3h du matin à l'ARIA. Non. Y a pas... Malade ou pas, c'est pas de savoir. Malade ou pas, t'es 3 heures à l'arrière, t'es puni pendant une semaine. Hop, tu t'es gravé. Dimanche, tu veux parler dimanche, c'est mardi prochain, tu veux dire. Non, non, mais c'est pas une punition, l'arrière, Gérard. Ah, mais ce soir. Ce soir, il y a l'arrière pendant 3 heures. Et toi, t'es au stand. Non. Si. Bah, je te dis que non. Ah, bah, si t'es pas content, tu on est bien pas, en fait, là. Bon, bah, il y a un dernier truc quand même, là. Alors ça, c'est pareil, c'est le truc que j'ai. Donne-lui le truc que j'ai reçu à mon nom, là. Celui-là? Ouais, c'est quoi, ça? C'est le catalogue. C'est en partenariat avec Homomag, justement, on vient d'en parler, donc c'est les vidéos GG. Donc attends, Elisa, mais attends, non, mais attends, de... attends, c'est pas le meilleur, parce qu'il y a mon nom dedans. Êtes-vous prêt pour une plongée dans le monde de la sueur et de l'Adidas? Une simple pression sur la touche, lecture de votre magnéto, retrouvez Gérard de Suresnes dans les positions les plus scrabeuses. En soubrette, avec une bouteille de Valstar dans les fesses, ou en Casimir sodomisant furieusement Bip. C'est à vous de choisir. En cadeau, le court-métrage de scandale, GG prend une douche. Tous ces titres existent en vidéo, DVD et laserdisc. Donc en fait, t'as... Ah, moi, Schneider, déjà, je tenais à dire, mais Gérard, que je reviens du Virgin, eh ben, c'est pas en DVD. Non, déjà. Non, mais ça arrive. C'est en laserdisc. Donc en cadeau, préservatif... Ah, bah, attends, parce que c'est en laserdisc, en laser, ouais. Donc c'est toi qui t'es mis à faire des conneries derrière notre dos. Non, DVD, ceci dit, Gérard, le laser, c'est le progrès. Hein. Ouais. Ah oui, c'est clair. Si, il paraît qu'il y a même Jean-Michel Jarre qui a appelé, qui aurait... Il voudrait bosser sur un téfin. Donc, il y a pas mal de titres, hein, genre, t'habites à la place de mes dents de devant... mon sperme sans le pastis, éclat de cacamania 1, le 2 est en prépa, la main de GG qui bat les couilles d'un catcheur, le voleur dans les porte-monnaies, et en cadeau, si vous commandez une vidéo, vous avez des préservatifs goût pastis, des pins de Christine, je savais pas qui en restait, ou des porte-monnaies Christine. Ouais. Top. Là, c'est une chose que tu viens de dire un mot de travers. De quoi? C'est vrai. Non, mais il a dit de travers, c'est vrai, il a roté. Il a présenté. C'est comme ça. Non, t'as dit un pin de Christine, on n'a pas compris. Ah. C'est un pin de Christine. Un pin de Christine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Alors, je veux dire. Alors, fais voir. C'est où? Bah, c'est pas des conneries. Hein. Non, mais Tu cherches quoi? Les cadeaux? C'est à gauche, à droite. Y a quoi d'autre? Alors là, ça me fait bien rire parce qu'il y a marqué pins de Christine 35 francs. Et je vais te dire pourquoi c'est des faux, ça. C'est des cons, tu sais. C'est pourquoi? Ça, c'est des cons. C'est pourquoi, Gérard? Parce que pour 95 francs, c'est ce qu'ils proposent. Le porte-monnaie Christine avec un cadenas. Eh ben, je veux dire. Il n'y avait pas de cadenas. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Non, c'est des conneries. T'es. C'est comme tant que tu ne sauras pas d'où que ça devient. Tant qu'on n'aura pas. On ne sait pas d'où ça devient. C'est ça, quoi. On ne sait pas d'où ça devient. Il faut avoir les enveloppes. Parce que moi, j'ai si ça devient d'où, on savait, ça irait, mais on ne sait pas d'où ça vient. Parce que le gueule d'amour qui arrête d'écrire à la radio. D'où fait qui? Gueule d'amour. Parce qu'il s'amuse à poster du courrier de Passy. Donc, Oh putain, il a fait. Christomie dans l'histoire. Ah, mais il arrête. Mais non, mais c'est un mec qui est rentré dans le 16e. Tu sais ce que tu vas faire? Vu comment tu suces, tu vas à rue de la Pompe, tu vas aller là-bas, je vais passer sur le 16e, c'est juste à côté. Toi, tu iras faire. Donc, qu'il arrête d'envoyer du courrier comme Kitsatsky, ça. Kitsatsky? Oui, tu iras. Non, parce que le fameux gueule d'amour, il s'amuse à envoyer du courrier. Ah, le fameux gueule d'amour? Ouais, il recommence. Il y a pas un certain trou de balle aussi? J'en sais rien, pourquoi? T'es au courant, toi? Ouais. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il y avait deux lettres avec. Par contre, je voudrais savoir, parmi toute l'équipe, qui c'est qu'aurait vu quelqu'un déposer une enveloppe avec des pins? Ah. Personne? Personne. Non. Bah, t'es pas au courant? Non. Non plus. Bon, bah, je tiens juste à préciser pour ceux qui font ça là, que si ça se trouve, ils donnent des adresses qui existent vraiment. Donc ils donnent. Je vois quand même le truc et là, ça me pose des problèmes personnels d'ego. Je vais le donner parce que il y a marqué quand même pour avoir toutes ces vidéos de cul et pour avoir tous les pins et le porte-monnaie de Christine, etc. C'est écrire à Vidéo GG. Vidéo GG Primat Vidéo. Ouais, où ça? C'est un scandale. Ça se trouve, cette avenue, elle existe dans Paris. C'est 215 avenue du groupe Léron. Ça existe. Non, ça existe pas. 37 075 951 mes couches sur Sandy. Alors là, c'est un très joli. Là, je vais dire une chose, que ce mec-là, c'est un enculé de sa mère. Non, ça prend l'arrêt. Je veux pas le savoir. Ah bah si. Moi, je dis ce que j'avais à dire. Alors maintenant, tu fous de la paix à Sandy, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je préviens ce soir, le premier qui me parle de Sandy sur Minitel, sur Internet, vous lui lâchez les baskets parce qu'on a un ras-le-bol.